إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم هذه الليلة هو فصل من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. كيف يعالج نفسه، أو كيف يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالإنسان في دينه ودنياه من خلال الهدي النبوي، من خلال هدي سيد الخلق سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. Nous allons essayer, inshallah azza wa jal, cette soirée de traiter un thème qui revient ces derniers jours souvent et qui traite un peu de la peine, de l'angoisse, du souci, de la tristesse. De quelle façon, de quelle manière doit-on traiter ce problème à la lumière du Coran al-Karim et à la lumière de la Sunna de notre prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. Alladhi la shakka fihi ayyuha al-ikhwatu al-kiram anna hadhihi al-amrad wa anna al-amrad 'ammatan kayfama kanat hadhihi al-amrad al-hissiyya aw al-amrad an-nafsiyya تتعلق بالقلب. هذه الأمراض المعنوية وهذه الأمراض النفسية تتعلق بالقلب، والقلب هو المحرك الأساسي الذي إن صلح وإن انتعش وإن كان قويا صالحا طيبا طاهرا زكيا كانت كذلك سائر الأعضاء. ولكن إن أصيب بمرض، إن أصيب هذا القلب بمرض، أثر هذا المرض على بقية الأعضاء. ولذلك أخبر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك الأساسي. Donc je disais que en règle générale, ces maladies qui relèvent donc de la peine, de l'angoisse, du souci ou de la tristesse, ces maladies touchent en partie, si ce n'est en grande partie, le cœur. Et sont associées en grande partie donc à l'qalb. Et l'qalb dont nous parlait notre prophète, alayhi salatu salam, le cœur, s'il est purifié, l'ensemble du corps le sera. Par contre, le cœur, s'il est malade, cette maladie va se propager et va toucher l'ensemble des organes. C'est l'intérêt pour lequel, bien sûr, s'il y a quelque chose à purifier, sur laquelle il va falloir travailler pour éviter toutes sortes d'angoisses, toutes sortes donc de tristesse, toutes sortes donc de ce type de ces problèmes qui nous touchent du matin au soir, il va falloir faire un grand travail sur notre cœur. C'est pourquoi dans un premier temps, mes chers frères, je vais aborder un certain nombre de hadiths. Tous ces hadiths que je vais aborder, ils sont en lien étroit avec les problèmes qu'on vit. Ces problèmes de tristesse, ces problèmes de souci, ces problèmes d'angoisse, ils sont liés à cet ensemble de hadiths qu'on va rappeler. أولاً قد أخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب كان إذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام كرب كان يلجأ إلى الله عز وجل فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. كان إذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام كرب التجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. أعود إلى الأحاديث فيما بعد إن شاء الله عز وجل لنتدبر في معانيها. Donc, je vais citer, comme j'ai dit, donc un certain nombre de hadiths qui sont en rapport avec ce type de problème qui peuvent nous toucher dans notre quotidien. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte que dans les moments de peine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disait « Point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, le Seigneur du trône, immense. Point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah ou si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. » Ce hadith qui a été rapporté dans le Sahih de Bukhari et le Sahih de Muslim. Bien sûr donc, ces hadiths que je vais énumérer, chaque hadith mérite, je dirais donc des sciences et des sciences d'explications, de commentaires. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de cibler un problème parmi d'autres, à savoir comment traiter nos angoisses, comment traiter nos soucis, comment traiter nos peines, comment traiter nos tristesses. Donc ce hadith, à chaque fois que le prophète alayhi salatu salam, il était frappé par une peine, il se dirigeait vers Allah Azza wa Jal, il invoquait Allah Azza wa Jal, il l'implorait à travers ce hadith. On verra par la suite en quoi consiste l'importance de cette invocation. Un autre hadith, c'est dans les sunnahs de Tirmidhi, عن Anas, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر إذا أصابه كرب واشتد عليه أمر كان يقول عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كان إذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر وحزبه أمر وأراد أن يلجأ إلى الله عز وجل كان يلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء سهل بسيط يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قال النبي عليه الصلاة والسلام quand il était عليه الصلاة والسلام attristé par un événement. Quand le prophète alayhi salatu salam est attristé par un événement, il se dirigeait vers Allah Azza wa Jal à travers ce dua. Ô vivant, ô subsistant, je cherche secours auprès de ta miséricorde. Il s'adresse à Allah Azza wa Jal à travers deux noms parmi ses noms. Le premier nom c'est Al-Hayy, le vivant. Le deuxième nom c'est Al-Qayyum, le subsistant. Et qu'est-ce qu'il demande auprès d'Allah Azza wa Jal? Il lui demande par sa miséricorde qu'il lui accorde le secours, subhanahu wa ta'ala, qu'il vient à son secours. Je reviendrai aussi donc à ce hadith pour le commenter par la suite. Un hadith, il a été rapporté par At-Tirmidhi de la part de Anas radiallahu anhu. Un troisième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم يرفع طرفه إلى السماء فيقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فيقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم وإذا اجتهد وأصر وأكثر من الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم القزم حديث غلطي par أبو هريرة رضي الله عنه il disait ou qui rapportait que lorsque le prophète alayhi salatu salam était soucieux, il levait ses yeux vers le ciel, salawatullahi wa salamu alayhi, et il disait gloire, gloire et pureté à Allah, l'immense. Et lorsque alayhi salatu salam prolongeait son invocation, il disait ô vivant, ô subsistant. Donc, chose qu'on a déjà vue à travers le deuxième hadith. Là, encore une fois de plus, le prophète alayhi salatu salam insiste dans son invocation à invoquer Allah Azza wa Jal à travers deux noms parmi les noms divins, à savoir le vivant et le subsistant. J'ai fi sunan Abi Daoud an Abi Bakra radiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوات المكروب الإنسان إذا أصيب بكرب دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوات المكروب، الإنسان إذا أصيب بكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ce دعاء ou ce حديث d'après أبو بكر رضي الله عنه qui rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: les invocations de l'affligé sont, donc celui qui est atteint d'une courba ou d'une karba, quelqu'un qui est affligé, il s'adresse à Allah Azza wa Jal de cette façon: ô Allah, c'est à ta miséricorde que j'aspire, ne m'abandonne donc pas à mon sort, cerise le ton d'un clin d'œil et améliore ma situation de tout point de vue. Point de divinité digne d'adoration autre que toi. Ô Allah, c'est à ta miséricorde que j'aspire. Ne m'abandonne donc pas à mon sort, serait-ce le ton d'un clin d'œil, et améliore ma situation de tout point de vue. Point de divinité digne d'adoration que toi. وأيضا في سنن أبي داود عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أن العبد يقول هذه الكلمات 7 مرات: اللهم، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، يقول ذلك العبد 7 مرات. Dans toujours les sunan de Abi Daoud, Asma bint Umays radiallahu anha rapportait: le messager sallallahu alayhi wa sallam me dit: veux-tu que je t'apprenne des paroles à prononcer lors de la peine ou dans la peine? Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. Dans une autre version, il est mentionné qu'on doit répéter cette parole 7 fois. Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم، أن الإنسان إذا أصابه هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من قال ذلك إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابه هم أو كرب ودعا الله عز وجل بهذا الدعاء إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله بذلك فرحا وسرورا. Ce hadith relaté dans le musnad de l'imam Ahmed, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: pas un serviteur n'est atteint de souci ou de tristesse et il nous dit: ô Allah, Je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement à mon sujet s'accomplit. Ton décret me concernant n'est que justice. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit inondé pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est que le prophète, alayhi salatu wasalam, pour toute personne invoquant Allah Azza wa Jal à travers ce dua, sans qu'Allah ne dissipe sa tristesse et son souci, en les remplaçant par la joie. Allah, il dissipe l'ensemble des tristesses, l'ensemble des soucis, il les remplace par la joie. Subhanahu wa ta'ala. وفي الترمذي عن سعد ابن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة ذي النون ادعى ربه وهو في بطن الحوت. يعني قصة ذي النون, يعني نبي من أنبياء الله عز وجل, والذي يعني كان في ظلمات, يعني في ظلمات الحوت وفي بطن الحوت, دعا الله عز وجل بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين, لم يدع بها رجل مسلم قط في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه, كلمة أخي يونس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqas, qui rapporte que le messager صلى الله عليه وآله وسلم dit: l'invocation de Yunus, lorsqu'il invoqua son Seigneur dans le ventre de la baleine, était point de divinité digne d'être adorée autre que toi, gloire et pureté à toi, je faisais certes partie des injustes. Point de divinité digne d'être adorée autre que toi, gloire et pureté à toi, je faisais certes partie des injustes. Le prophète alayhi salatu wasalam, pour cette dua, disait: pas un musulman ne la prononce pour une chose sans qu'on ne l'exauce. Et dans une autre version, le prophète disait: je connais des paroles qui, s'ils sont prononcées par l'affligé, Allah le soulage. Ce sont les paroles de mon frère Yunus alayhi salam. Fi sunan Abi Daoud an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد, فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام في غير وقت صلاة, يدخل المسجد فيجد أحد الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والصحابي الجليل هو أبو أمامة رضي الله عنه. فقال: يا أبا أمامة, ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة الوقت ليس بوقت صلاة ماذا تصنع في المسجد فقال أبو أمامة رضي الله عنه هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال بي هم وعلي ديون لزمتني هذه الهموم ولزمتني هذه الديون أن الإنسان لما يكون به الهم ويكون به الدين يلجأ إلى الله عز وجل فجاء إلى المسجد في غير وقت صلاة به هذا الهم وبه هذا الحزن وهذه الديون فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك كلاما ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى دينك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترغب أن أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك هذا الهم وقضى الله عز وجل عنك هذا الدين قال قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام قل إذا أصبحت وإذا أمسيت أي عند الصباح حينما تصبح وعند المساء حينما تمسي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني فتح من قبل الله عز وجل لا قبل لك به ولكن إن أخلصت النية لله عز وجل النتيجة لا مفر منها هذه النتيجة حقيقة من قبل الله عز وجل تكفل الله بها من سأل الله عز وجل مخلصا لا بد وأن يحقق الله عز وجل رجاءه فأن تقول حينما تصبح وحينما تمسي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إلا أذهب الله عز وجل عنك الهم وقضى عنك الدين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée et trouva un homme parmi les hommes de l'Ansar, nommé Abu Umama, radiallahu anhu. Il lui dit, « Ô Abu Umama, comment se fait-il que je te vois à la mosquée en dehors de l'heure de la prière ? C'est quoi qui fait que tu es à ce moment-là ? Ce n'est pas donc le moment d'accomplir la prière. Qu'est-ce que tu fais à la mosquée ?» Abu Umama radiallahu anhu dit « Des soucis qui ne me quittent pas et des dettes, ô messager d'Allah. » Ce sont des soucis qui ne me quittent plus et des dettes qui me chagrinent au point que je me suis dans l'obligation de me réfugier dans la mosquée et de se retrouver dans la mosquée à des moments où on n'a pas accompli ou on n'accomplit pas la prière. Le prophète lui dit « Veux-tu que je t'enseigne des paroles ?» qui Si tu les prononces, Allah subhanahu wa ta'ala fera disparaître tes soucis et soldera tes dettes. Bien sûr, au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis matin et soir, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. J'ai fait cela et Allah a dissipé mes soucis et a acquitté mes dettes. Mais sur cela, je reviendrai sur tous les hadiths. Là, je ne suis en train uniquement d'énumérer un certain nombre de hadiths qui ciblent le sujet sur lesquels on va tirer un certain nombre de leçons, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, cette invocation en particulier, celui qui est touché par un certain nombre de soucis, celui qui est frappé par des dettes, s'il s'adresse à Allah Azza wa Jal à travers cette invocation matin et soir, Allah Azza wa Jal s'est engagé à dissiper ses soucis et à solder ses dettes. C'est à nous donc de faire le pas, c'est à nous d'aller vers Allah Azza wa Jal, c'est à nous d'être sincères dans nos du'as, dans nos invocations, et en même temps être sûr que la promesse d'Allah Azza wa Jal se réalise. Il ne faut pas avoir un doute. Il ne faut pas, quand on demande, quand on sollicite, quand on invoque, on a le moindre doute. J'ai invoqué une fois, deux fois, trois fois, pourquoi ma dua ne se réalise pas? C'est matin et soir. C'est matin et soir. Et sans arrêt, matin et soir, je demande et j'insiste, et je demande et j'insiste, et je demande et j'insiste. Et au final, Allah Azza wa Jal m'accordera sa récompense, subhanahu wa ta'ala. أيضا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله يعني كلمة خفيفة يعني هي أستغفر الله من لزم الاستغفار كلمة لزم أي ألزم نفسه ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات طوال يومه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يكون لسانه رطبا بالاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل هم كيفما كان يفرج الله عز وجل عنك همك ومن كل ضيق مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب ولكن يحتاج يقين يحتاج صدق مع الله عز وجل يحتاج أنك حينما تدعو الله عز وجل أن تكون موقنا بالإجابة أن الله لا بد وأن يستجيب لدعوتك لا يكون عندك شك. Ce hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: celui qui demande continuellement pardon à Allah Azza wa Jal, Allah lui accordera une délivrance à tout ceci et une issue à toute difficulté, et il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Celui qui demande régulièrement, sans arrêt, sans cesse, continuellement, al-istighfar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, avec sincérité, avec conviction, en étant sûr qu'Allah Azza wa Jal répondra à sa demande. Celui-là, Allah lui accordera une délivrance à l'ensemble de ses problèmes, à l'ensemble de ses soucis. Et lui donnera une issue à toute difficulté. Et lui accordera sa subsistance là où il ne s'attend pas, là où il ne l'attend pas. Allah Azza wa Jalla lui accorde. Vous savez, quand on lit tous ces hadiths, on se dit qu'on passe à côté de beaucoup de choses. De merveilles qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, mais auxquelles on ne fait pas attention. On passe notre vie, on passe notre journée à courir à droite, à gauche, et on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de ce qui est le plus important. On perd beaucoup de notre temps, on perd beaucoup de nos énergies dans la vie de ce bas monde, sans se rappeler l'essentiel. Aïdan, fil musnad l'imam, Ahmed anna al-Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع وأسرع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، كان يصلي بين يدي الله جل وعلا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam on rapporte de lui salawatullahi wa salamu alayhi, quand il est attristé par une chose ou lorsqu'une chose attristait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se précipitait vers la prière. Il se précipitait vers la prière sallallahu alayhi wa sallam. Et il rappelait la parole d'Allah Azza wa Jal, cherchez secours dans la patience et la prière. Cherchez secours dans la patience et la prière. Wa aidan, fi sunan aidan, yaqulu alayhi salatu wa salam, alaykum bil jihad. فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. Il y a un autre hadith dans les sunan où le prophète عليه الصلاة والسلام disait attachez-vous au jihad, car il s'agit là d'une porte du paradis. Et par lui, Allah Azza wa Jal repousse les soucis et les angoisses des âmes. Donc, l'acte du jihad, c'est aussi donc un acte qui permet de repousser les angoisses et les soucis. Aïdan Yudka, عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وجاء أيضا في فضلها أنها باب من أبواب الجنة وأنها باب من أبواب الجنة في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. Aussi donc il a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, celui qui est beaucoup touché par l'angoisse et le souci, qu'il dit souvent il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, donc la hawla wa la quwwata illa billah. Il est confirmé dans les deux sahih que ces paroles forment un trésor du paradis. Il a été également dit qu'ils sont une des portes du paradis. Donc cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, donc c'est l'un des trésors du paradis. Et il a été aussi confirmé qu'il s'agit d'une porte parmi les portes du paradis. À travers l'ensemble de ces hadiths que je viens de citer, il y a, je dirais, 15 remèdes pour dissiper les soucis, les angoisses, la tristesse, tous ces problèmes dont qu'on a évoqués. Dans tous ces hadiths-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné 15 remèdes. Il y a des يعني من خلال هذه الأحاديث التي تم ذكرها تضمنت هذه الأحاديث 15 نوعا من الدواء. فإن لم يقوى الإنسان بعد ذلك على إذهاب داء الهم والحزن والغم وغير ذلك فأكيد أن الأمر قد استحكم وتمكن من صاحبه وتمكنت منه أسبابه، ويحتاج بعد ذلك إلى استفراغ كلي. Je disais, mes chers frères, mais que ce qui a été mentionné dans l'ensemble de ces hadiths, il s'agit d'un traitement qui comporte 15 formes de remèdes. Et si toutefois on ne parvient pas à vaincre la maladie de l'angoisse, la maladie du souci, la tristesse, c'est que cette maladie domine et que ses causes sont ancrées et demandent à être totalement évacuées. C'est que la personne, il est dans une situation que cela nécessite une évacuation complète et totale. Quels sont les remèdes qui sont cités dans l'ensemble de ces hadiths? Quand on regarde les premiers hadiths, لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. هنا quand on regarde de près ce hadith ou cette invocation, qu'est-ce qu'elle renferme cette invocation? Cette invocation renferme ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneur. Anta tuwahhid Allah Azza wa Jal, tuwahhid Allah fi rububiyyati, tuwahhid Allah Azza wa Jal anna huwa al-Khaliq, subhanahu, huwa al-Malik, huwa al-Quddus, wa sahibu al-Amr. La shay'a yahdutu fi kawni illa bi idhni. لا شيء يحدث في كونه إلا بإذنه جل وعلا. يعني الإنسان قد يقول يعني الآن الإنسان أنتم معلوم عندكم أن الإنسان الأمراض يعني بالأمراض النفسية يعني كان بعثوا عنه من الآن هذا ما كاين شي يشوف تنفاد بسيكاتر كيف تبقى يتكلم معاه ويتكلم ساعة وساعتين وشهرين وثلاث شهور وأربع شهور pour dissiper le mal. Alors qu'il y avait un travail à faire auparavant, avant bien sûr donc d'arriver donc à une situation critique où il va falloir évacuer tous ces problèmes, tous ces soucis, toutes ces maladies, avant que la maladie soit ancrée dans la personne. Le tawhid al-rububiyya, il a une importance. Yani, l'insan, حينما يوحد الله عز وجل, حينما تعلم بأن لك خالق, حينما تعلم بأن الله هو الحي, وأنه هو الذي يحيي, وأنه هو الذي يميت, وهو الذي يعطي, وهو الذي يمنع. حينما يعلم الإنسان ذلك, يطمئن قلبه. يطمئن قلبه. فلذلك شوفوا الدعاء كيف. لا إله إلا الله العظيم. أنا أتقرب إلى من؟ إلى العظيم. أتقرب إلى من؟ إلى الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع, رب الأرض, رب العرش الكريم. فأنت تتقرب إلى الخالق جل وعلا. فكن على يقين بأنك إذا دعوت الخالق وأنت موقن بالاستجابة فرج الله عنك همك وأذهب عنك غمك وقضى سبحانه حاجتك وسدد عنك دينك. فأيما ما في شك. Je disais, mes chers frères, qu'on vous regarde de près. Quand on regarde cette invocation, la première dont on a cité, point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, l'immense, l'indigent. Point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, le Seigneur du trône, immense. Point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. J'ai dit à travers cette invocation, à travers ce dua, on confirme le tawhid de la Seigneurie. On confirme à Allah Azza wa Jal que c'est lui le Créateur. C'est quoi l'importance de confirmer à Allah Azza wa Jal qu'il est le Créateur? Vous allez me dire qu'on croit en lui, subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de s'en rappeler matin et soir, le fait de le répéter matin et soir, le fait de se mettre dans ce rappel continuel, de se dire c'est lui, subhanahu, c'est lui le Créateur. C'est lui Rabbul Arsh al-Azim. C'est lui Khaliq al-Samawat wal-Ard. C'est lui auprès de qui je demande, j'invoque, je sollicite. Quand cela est fait avec cette sincérité, bi'idnillah azza wa jal, tu vois tes problèmes, tes soucis se dissiper. Mais une fois de plus, il va falloir insister sur cette confiance qu'on doit avoir en Allah Azza wa Jal. On doit avoir cette sincérité quand on fait nos invocations. Donc, à travers ce hadith, il y a l'unicité, le tawhid de Rububiyya de la Seigneurie. On affirme à Allah Azza wa Jal qu'il est le Créateur Jalla wa Ala. Quand vous dites, dans le deuxième hadith qu'on a cité, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا توحيد العبادة, توحيد الألوهية. فأنت تعبد من الله الذي خلقك وحدته أولا في ربوبيته ثم بعد ذلك توحده في ألوهيته. يعني توحيد الربوبية أن الله هو الخالق, توحيد العبادة أن تعبد الله الذي خلقك. مفهوم توحيد الربوبية أن الله هو الخالق, هو المتصرف في كونه. وتوحيد الألوهية العبادة أن تصرف العبادة كلها لله جل وعلا, فلا تشرك مع الله أحدا. فإذا حينما تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, فتسأل الله الحي القيوم وتسأله برحمته, أو برحمته تستغيث أن يأتيك العون وأن يأتيك المدد وأن يأتيك الإعانة, فتسألها من الله جل وعلا. وتسأل الله باسمين من أسمائه الحسنى, نسأله به, يعني كل أسماء الله عز وجل حسنى, كل أسماء الله عز وجل حسنى. لكن في هذا الدعاء نسأل الله عز وجل باسمين, هما الحي وهما القيوم. والاسمان معا تجدوهما يعني في آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصفة الحياة, صفة الحياة, يعني حينما تقول الحي أي تصف الله عز وجل بالحياة. فصفة الحياة تتضمن كل الصفات وكل صفات الكمال لله جل وعلا. إذا وصفت الله بأنه الحي فهذه الصفة صفة كمال تتضمن كل الصفات الأخرى وصفات الكمال لله جل وعلا. وحينما تصف الله عز وجل بالقيومية يا حي يا قيوم فهي متضمنة لجميع صفات الأفعال متضمنة لجميع صفات الأفعال فلذلك كان اسم الله الأعظم كان اسم الله الأعظم هو الحي القيوم اسم الله الأعظم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحي القيوم إذا دعي الله عز وجل به أجاب وإذا سئل به أعطى هذا هو سر الدعاء كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء لأن العبد إذا سأل الله عز وجل باسمه أو باسمين من أسمائه هما الحي والقيوم كان إذا سئل الله بهما أعطى وإذا دعي بهما أجاب سبحانه وتعالى فالإنسان لا بد وأن يسأل الله عز وجل من خلال هذين الاسمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث le deuxième hadith qu'on avait vu on disait ô vivant ô subsistant je cherche secours auprès de ta miséricorde ce hadith il renferme l'unicité de l'adoration le premier hadith première invocation c'était l'unicité de la Seigneurie on reconnaît Allah Azza wa Jal qu'il est le créateur de cet univers Subhana dans ce hadith on reconnaît Allah Subhanahu wa Ta'ala l'unicité de l'adoration c'est lui Subhanahu wa Ta'ala qu'on est censé adorer lui seul, l'unique sans lui prendre d'associé quand il s'adresse à Allah Azza wa Jal en disant Ya Hayyu Ya Qayyum donc ces deux noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal le vivant Al-Hayy à travers lequel l'ensemble des attributs se manifestent à travers le Hayy et l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont liés à l'acte d'Allah Azza wa Jal ils sont associés au Qayyum aux subsistances donc tu es en train de t'adresser à Allah Azza wa Jal par les meilleurs noms de lui subhanahu wa ta'ala d'ailleurs dans le hadith du prophète alayhi salatu wasalam le meilleur nom d'Allah azza wa jal ou les meilleurs noms d'Allah azza wa jal c'est Al-Hayy et Al-Qayyum c'est les deux noms que vous retrouvez dans Ayat Al-Kursi qui est considéré comme le meilleur verset dans le Coran Al-Karim Allahu la ilaha illahu Al-Hayy Al-Qayyum donc quand tu es face à une difficulté face à un problème face à une angoisse donc une tristesse. Les meilleurs noms à travers lesquels tu peux dissiper ce mal, Ya Hayyu Ya Qayyum, Bika Astarit. Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est lui qui accorde la vie, et c'est lui, Subhanahu wa Ta'ala, auprès de qui je cherche la subsistance. Je dis Ya Hayyu Ya Qayyum, Bika Astarit. Donc, à travers cela, il y a le tawhid. Al-Ilahiyya ou Uluhiyya ou Al-Ibad. Chose qu'on retrouve aussi dans d'autres hadiths qu'on a cités. On a cité le troisième hadith, on avait dit Subhanallah al-Azim. On avait rappelé Ya Hayyu Ya Qayyum, donc c'est la même chose. Vous avez aussi donc la même chose dans le quatrième hadith, le dua du prophète alayhi salatu wassalam, quand il disait Da'awatul makroub, Allahumma rahmataka arju, fala takinni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullah, la ilaha illa ant. Donc toujours on est dans cette unicité à travers aussi donc cette invocation. Quand on dit à travers le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il disait dans le hadith de Abi Bakra radiallahu anhu, oh Allah, c'est à ta miséricorde que j'aspire. Ne m'abandonne donc pas à mon sort Serait-ce le temps d'un clin d'œil et améliore ma situation de tout point de vue. Quoi de divinité digne d'être adorée autre que toi? C'est la même chose qu'on retrouve dans le hadith de Asma bint Umays, quand il disait que le prophète alayhi salatu wassalam lui enseignait « Ala u'allimuki kalimatin taqulihinna inda al-karb » ou « fil karb »« Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a » Donc Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur. Donc dans ce hadith de Asma bint Umays radiallahu anha qui rapportait que le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné de dire Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. Et dans une autre version on avait dit que cette dua, cette invocation, il faut la répéter 7 fois. Là, on est toujours dans le tawhid, dans l'unicité. Dans l'autre hadith de l'imam Ahmed, Ali ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, quand il disait dans le dua, Allahumma inni abduk ibn abdik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. في هذا الدعاء dans cette invocation, donc cette invocation, le prophète عليه الصلاة والسلام disait: pas un serviteur n'est atteint de souci ou de tristesse et ne dit « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret me concernant n'est que justice, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit inondé pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis, sans qu'Allah ne dissipe sa tristesse et son souci en les remplaçant par la joie. » Et dans cette dua, dans cette invocation, il y a beaucoup de choses à relever. C'est tout d'abord un des piliers les plus importants de la foi et de notre tawhid. Huwa ithbat al-qadar. Ithbat al-qadar. Quand le serviteur dit Allahumma inni abduk ibn abdik, madin fiya hukmuk. Madin fiya hukmuk. Hada huwa al-iman bi بالقدر حينما تقول يا ربي حكمك ماض في هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره فإذا قال العبد ماض في حكمك فأثبت القدر وأن أحكام الله عز وجل نافذة في عبده وأنه سبحانه أيضا من خلال هذا الحديث عدل في قضائك أي أن الله عادل في قضائه لا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل تنزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. Donc هذا يعني إيش؟ يعني أن الإنسان مطالب بأن ينزه الله عز وجل عن الظلم. يعني الإنسان ما يتصور، الإنسان إذا دعا الله عز وجل كيف ما قلت من قبل وهو شاك في نفسه يقول يا كثيرا ما أدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعائي، ولماذا أنا أسأل الله ولا يعطيني؟ فكأنه ينسب لله عز وجل الظلم، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فلذلك من خلال هذا الدعاء ننزه الله عز وجل عن الظلم، وكذلك نثبت لله عز وجل القدر. وهذا هو الأمر الثالث والأمر الرابع. Je reprends, barakallahu fikoum. J'avais rappelé qu'il y a 15 remèdes. Le premier, c'est le tawhid, l'unicité, l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration. Le troisième et le quatrième qu'on retrouve dans ce hadith-là du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a deux points. Le premier point, qui relève aussi de l'unicité, c'est le destin. Quand vous dites « Madin fi hukmuk », quand le serviteur s'adresse à Allah Azza wa Jal, il dit « Ô Allah, donc ton hukm, ton jugement ne peut que s'appliquer sur moi », c'est qu'il prête foi dans le destin. Et on est censé donc avoir cette foi. Et cela relève de notre foi en Allah Azza wa Jal. Et il ne faut pas y avoir le moindre doute à ce niveau. La personne, quand il est dans le doute, ben c'est là où il sera donc touché par les angoisses. C'est là où il sera touché par la tristesse. C'est là où il va se poser des questions et des questions. Et c'est là où il va perdre même sa foi. Il faut qu'il soit confiant dans son destin. Et il va falloir qu'il accepte son destin. Et il va falloir qu'il sache que son destin se réalisera, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Et vous savez combien de fois on s'oppose au destin. Nous-mêmes tous, on s'oppose à notre destin. Je me dis, mais pourquoi c'est moi? Et pourquoi pas les autres? Et pourquoi ça doit me toucher? Et pourquoi pas les autres? Et pourquoi tant de fois j'invoque Allah Azza wa Jal et Allah ne réalise pas mes invocations? Donc, je suis souvent en conflit avec Allah Azza wa Jal sur ce sujet. Donc à partir de cet instant, il ne faut pas s'attendre à ce que j'arrive à dissiper mes angoisses et mes tristesses et mes soucis. Au contraire, c'est là où ils vont s'accroître sur moi. C'est là où ils vont prendre le dessus sur moi. C'est là où ils vont se focaliser sur moi. De même, dans ce dua, dans cette invocation, je dis « Adlun fi yaqada'uk ». Le jugement d'Allah Azza wa Jal, ton jugement à mon sujet s'accomplit et ton décret me concernant ne peut être que justice. Il ne faut pas s'attendre à penser qu'Allah Azza wa Jal, il est injuste. Allah Azza wa Jal s'interdit la justice pour soi-même. Il dit « Oh ibadi, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu pour vous interdite. » Donc ne soyez pas les uns envers les autres injustes. Donc pour lui, subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit l'injustice. C'est la raison pour laquelle le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, s'il ne fait accéder au paradis, ça ne sera que par sa miséricorde. Mais si toutefois on mérite le châtiment, si on mérite le châtiment, ça sera par sa justice. Celui qui accède en enfer, ça sera bi'adlin min Allah Azza wa Jal, par la justice d'Allah Azza wa Jal. Celui qui accédera au paradis, ça sera par la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par nos actes. Certes, on est censé donc œuvrer. On est censé faire la prière, la zakat, le hajj, le siyam, tous les actes d'adoration. Mais ce n'est pas avec nos actes qu'on va accéder au paradis. C'est avec la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait dans un hadith, لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قيل ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Personne d'entre vous n'accédera au paradis par ses actes. Même pas toi, au prophète d'Allah. Il dit, même pas moi, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal nous comblera par sa miséricorde. Donc il va falloir donc deux autres remèdes. C'est prêter foi dans le destin. Et sachez, sans la moindre hésitation, sans le moindre doute, qu'Allah Azza wa Jal, il est juste. Ce qu'il te donne, c'est par sa justesse. Et ce qu'il t'accorde plus, c'est par sa miséricorde. Si on n'a pas cette confiance, s'il y a le moindre doute, à Shaitan, il trouve pas un couloir. Il ne trouve pas donc une autoroute. C'est des centaines d'autoroutes par lesquelles il peut pénétrer, par lesquelles il peut accéder. Donc quand on a le moindre doute dans nos destins, quand on a le moindre doute dans la justice d'Allah Azza wa Jal, il faut s'apprêter à ce que donc un shaitan va nous amener à être angoissés, à être tristes. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu salam, comme on a vu dans plusieurs hadiths, quand il est touché par un problème, un souci, une peine, il se précipite à la prière. Donc la prière, c'est l'un des moyens parmi les moyens pour dissiper les angoisses et le reste. On n'a pas le temps de terminer tout ça. Je termine par un point que j'ai soulevé aussi dans les hadiths. C'est da'wat zinnoun alayhi salatu salam Nabiullah Yunus da'a Allah azza wa jal bi ayyi du'a la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Parmi les moyens efficaces, bien sûr, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jalla à travers ces invocations qu'on a citées. C'est Barakallahu fikum tazahamu tarahamu. Essayez d'avancer, Barakallahu fikum. Parmi les remèdes, huwa i'tirafu al-'abdi bi annahu huwa adh-dhalim. La budda an ta'tarifa bi dhulmik. Insan la budda an ya'tarifa bi dhulmik. إذا لم تعترف بظلمك بين يدي الله عز وجل فلم تحقق في نفسك هذا التوحيد الذي تحدثنا عنه. Un des points les plus sensibles et les plus importants pour dissiper toutes ces maladies à travers le dua de Yunus عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من je suis parmi les injustes. C'est de reconnaître nos injustices. Reconnaître nos injustices vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Malheureusement, sont peu nombreux ceux qui reconnaissent, qui sont injustes. Quand tu dis à la personne, crains Allah Azza wa Jal, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Voilà. Masha'Allah, il y a. Je prie, j'accomplis la zakat, j'ai été au pèlerinage 15 fois. Je jeûne le lundi, le jeudi. Qu'est-ce que tu demandes de plus? C'est tout. Donc le paradis est acquis. On est injuste. On est injuste vis-à-vis de nous-mêmes. On est injuste vis-à-vis de nos familles. On est injuste vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. On est injuste vis-à-vis donc de nos voisins. On est injuste vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc l'injustice se manifeste à travers plusieurs aspects. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte. C'est la raison pour laquelle Younus alayhi salatu salam, il n'a pas cherché à trouver des excuses. Il n'a pas cherché à trouver des prétextes. Ya Allah, je me suis trompé. Non. Ya Allah, je suis injuste. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. I'taraf. Il a reconnu son injustice. Il a reconnu son péché. Il n'a pas cherché donc à trouver des prétextes. Nous, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est devenu donc une habitude. Dès quand on fait la moindre remarque, c'est lui. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Toujours on cherche donc quelqu'un d'autre pour l'accuser donc de cette erreur. Et ça, ça devient problématique. Et ne pas reconnaître ces injustices, c'est l'une des voies, parmi les voies à travers lesquelles Ash-Shaytan et prend le dessus sur donc l'être humain, et à travers lesquels on sera soucieux, on sera attristé, on sera donc on vivra à travers des peines et on n'arrivera plus donc à s'en sortir. Vous voulez donc qu'on dégage ces problèmes, ces difficultés, voulait un remède parmi d'autres, c'est qu'il va falloir sans cesse reconnaître ces injustices et surtout cette injustice vis-à-vis d'Allah Azzawajal. أسأل الله العلي القدير لكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين